c'est Camille Proust. Vous écoutez le Médialodon, un spécial des fêtes sur CKRL 89.1. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, tout va. En 1968, sortait le film d'animation Astérix et Cléopâtre, un classique encore aujourd'hui de ciné-cadeau. Qui ne se souvient pas donc de cette chanson? Nous venons d'écouter un extrait, Quand l'appétit va, tout va. Et qui ne se souvient pas, présent à la fin de chacune des aventures d'Astérix et Obélix, de ces banquets gaulois avec cervoise, avec sanglier rôti, évidemment. Et notre thème aujourd'hui, pour ce spécial Médialodon, eh bien, ça m'a fait forcément penser à ça. C'est un spécial Médialodon des fêtes et ce sera le festin, notre thème. Et pour en parler, eh bien, nous retrouvons Olivier Houdard pour la chronique littérature, Martin Guimond pour la chronique cinéma et Jérôme Brousseau pour la chronique philosophie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Contente vraiment de vous retrouver. Martin, on t'a un petit peu moins vu pendant, pendant tout l'été, mais t'as fait des remplacements quand même occasionnellement. Oui. Très marqué donc, d'ailleurs. Oui, très très marqué, merci beaucoup Martin. Et puis à tous les deux, donc Jérôme et Olivier, merci beaucoup d'être revenus pour ce spécial des fêtes. On a mis un peu de temps avant de trouver ce thème-là, parce que vous voulez quelque chose qui soit rassembleur, qui nous permette aussi de trouver des œuvres d'art, que ce soit en littérature ou en philosophie ou en cinéma, en théâtre aussi, et qui soit vraiment quand même, qui nous fasse un beau clin d'œil au temps des fêtes, à Noël, au premier de l'an, et la nourriture nous est apparue à l'évidence assez rapidement. Je pense qu'on était dans un restaurant. Exactement. Finalement. En fait, on était autour d'une table devant des assiettes pleines pour parler du festin. Donc, c'est un sujet qui est revenu assez facilement. Assez facilement, c'est sûr. Moi, ce que ça évoque, pour moi, bon, la fête, la réunion familiale, amicale, cérémoniale, parfois un peu, ça veut dire quoi pour vous, le festin? Ça vous avait évoqué quoi quand on a annoncé ça? C'est vrai que pour moi, c'était Astérix, Quand l'appétit va, tout va. La chanson, c'est évident, là, mais après, ça, c'est une anecdote. Mais disons que c'est surtout le partage. Partager un moment avec les gens autour de nous. Et en termes de littérature, je vous dirais que moi, c'était Gargantua, ce genre de choses. Et j'étais très surpris de trouver le livre que je vais vous présenter ce soir. Mais disons qu'avant tout, c'est effectivement le partage. Je pense passer du temps avec les autres et puis passer un bon moment surtout. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais régulièrement, ça, le fait de profiter, de prendre la table comme un moment vraiment à part entière pour rassembler des gens autour de toi? Effectivement, j'essaye le plus souvent possible de rencontrer du monde et puis de passer du temps à table, parce qu'en fait c'est là qu'on a du plaisir, on partage des sensations ensemble, je veux dire, oui, manger ça provoque des émotions, ça provoque des sensations, des découvertes, des tas de bons moments avec souvent à boire et puis plein de bonnes choses en fait, c'est que du plaisir partagé en fait. Ok, et pour toi Jérôme? Ouais, moi aussi, ça m'évoquait, bon, évidemment, les grandes œuvres comme Gargantua, ça m'évoquait aussi, bon, la rencontre, hein, puis le partage, comme Olivier, en fait. Et aussi, ça m'évoquait, en fait, ce qu'Épicure disait aussi de la vie, qui est en fait un grand banquet auquel on n'a jamais été invité. Et on peut se servir comme ça, c'est là, hein, la vie est là, donc la vie est un peu un festin aussi. En tout cas, c'est une belle manière de le voir, comme ça on se dit que toute expérience, même mauvaise, est dans le fond bonne, puisque elle aurait pu ne pas arriver, elle aurait pu ne pas se produire. Ensuite aussi, ça m'évoquait les abus évidents liés au festin, puis au fait qu'on ne perçoit pas toujours le monde comme un privilège, mais comme un droit acquis, malheureusement. Et donc, des fois, on en abuse. Même en ce moment, on en abuse gravement. Ouais. Mm-hmm. Donc, voilà un peu... Ça a aussi sonné cette cloche-là chez toi. Mais c'est vrai que ça le fait quand même souvent aussi dans le temps des fêtes où on pense à s'offrir quelque chose, on pense à la générosité et donc aux personnes qui pourraient bénéficier de la générosité aussi des autres peut-être et le fait d'y penser, c'est sûr. Je trouve ça intéressant, on parlait du délicieux pour le repas, mais c'est intéressant qu'on parle de l'abondance aussi parfois, donc de la surabondance peut-être. Pour toi Martin, à quoi ça te faisait penser le thème festin? Bah, c'est sûr que moi, ça va dans le même même sens que messieurs. Mais c'est vraiment sur le côté rencontre, parce qu'au final, c'est un événement. Et c'est un événement parce qu'on souvent on travaille beaucoup dans la vie de tous les jours. Puis souvent, les moments marquants, c'est quand on est avec les gens qu'on aime autour de la nourriture. Fait que oui, c'est la nourriture, mais c'est plus que ça, en fait. C'est vraiment les interactions autour de ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais parler tout à l'heure. Mais je regardais les définitions du Larousse, puis je voyais deux définitions. Repas solennel et somptueux donné en l'honneur de quelqu'un, d'un événement. Exemple, festin de noces. Et la deuxième qui était repas abondant et délicieux. Donc ça faisait écho à ce que vous disiez. Mais je trouvais ça intéressant, en l'honneur de quelqu'un ou d'un événement. Puis moi, dans ma tête, je disais, c'est sûr que souvent, c'est associé à un événement joyeux. Mais en même temps, quand on a révélé donc ce thème-là, on s'est dit, on va essayer de trouver des œuvres qui vont nous interpeller, qui vont illustrer le thème du festin. Eh bien, j'ai pensé à d'autres choses, à des choses un petit peu moins joyeuses, justement. J'ai trouvé deux textes. Donc, pour cette chronique théâtre, nous allons commencer avec la chronique théâtre. Le premier, eh bien, c'est parce que j'avais vu une pièce l'année dernière, une adaptation en fait, de la pièce Titus Andronicus de Shakespeare. C'était présenté par les Écornifleuses. Je crois, Olivier, que tu avais vu cette pièce-là. Absolument, tout à fait. Aussi, ouais, ouais. Et que tu avais aimé, peut-être pas autant que moi, mais moi j'avais adoré ça. Je trouvais ça très intéressant, cette adaptation-là. Il y avait du québécois en fait. On avait des moments où c'était vraiment du Shakespeare. Là, mais il y avait des moments où des petits sacres qui venaient nous remettre un petit peu du québécois contemporain en pleine face, avec pourtant une histoire qui paraît pas contemporaine et qui pourrait l'être en même temps. Pourtant, Dieu sait si elle est sordide et sanglante, puisque effectivement, c'est une des pièces les plus horribles, les plus meurtrières de Shakespeare. L'histoire, finalement, ça se résume en une succession de vengeances entre le général romain Titus Andronicus et la reine des Goths, Tamora, épouse de l'empereur romain Saturnicus. Et en fait, à la fin de cette pièce, Titus invite Tamora et Saturnicus à un banquet de réconciliation. Et pour les auteurs qui n'auraient pas peut-être entendu mes guillemets, je veux les présenter avec insistance, parce que justement Titus vient d'apprendre en fait que les deux fils de Tamora sont ennemis. Démétrius et Chiron ont violé et mutilé sa fille Lavinia. C'est eux les coupables. Ils ont aussi commis d'autres atrocités. Et donc lors de ce banquet, il offre à Tamora, son ennemi, donc une tourte qui contient sa vengeance. Je ne vous en dis pas plus, puisque je vais lire un extrait de la scène 12 de Titus Andronicus de Shakespeare, où je jouerai Titus. Viens, viens Lavinia, vois tes ennemis sont garrottés. Mes maîtres, fermez-leur la bouche, qu'ils ne me parlent pas, mais qu'ils entendent les terribles paroles que je prononce. Oh, scélérats, Chiron et Démétrius, voilà la source que vous avez souillée de votre fange. Voilà le bel été que vous avez mêlé à votre hiver, vous avez tué son mari. Et pour ce crime infâme, deux de ses frères ont été condamnés à mort. Ma main coupée n'a été pour vous qu'un jeu plaisant. Ses deux mains, sa langue et cette chose plus précieuse, que main et que langue, son innocence immaculée. Traîtres inhumains, vous les avez violemment ravis. Que diriez-vous si je vous laissais parler ? Scélérats, vous auriez honte d'implorer votre grâce. Écoutez, misérables, comme j'entends vos torturés. Il me reste encore cette main unique pour vous couper la gorge. Tandis que Lavinia tiendra entre ses moignons le bassin qui va recevoir votre sang criminel. Vous savez que votre mère doit banqueter avec moi ? Elle prend le nom de la vengeance et me croit fou. Écoutez, scélérats, je vais broyer vos os, les pulvériser, et en les mélangeant avec votre sang, j'en ferai une pâte, et de cette pâte, je ferai une tourte, que je bourrerai de vos deux têtes infâmes, et je dirai à cette prostituée, à votre maudite mère, de dévorer, comme la terre, son propre produit. Voilà le festin auquel je l'ai conviée, et voilà les mets dont elle sera gorgée. Car vous avez traité ma fille plus cruellement que Philomèle, et plus cruellement que Progné, je me venge, et maintenant tendez la gorge. Lavinia, allons, reçois le sang, et quand ils seront morts, je broyerai leurs os en une poudre menue, que j'arroserai de cette odieuse liqueur, et dans cette pâte, je ferai cuire leurs ignobles têtes. Allons, allons, que chacun aide à préparer ce banquet. Et puisse-t-il être plus sinistre et plus sanglant que le festin des centaures ? C'était donc un extrait de Titus Andronicus. Vous voyez le côté, l'aspect le plus sombre et le plus atroce hein, du festin, mais en même temps, un festin pour lui, c'est dans le sens où il va savourer sa vengeance d'une certaine façon. Il ne peut la goûter que de cette façon-là. Et maintenant, sur un ton plus léger, plus généreux, plus lumineux, un extrait très court de Cyrano de Bergerac. Quand on a entendu parler du festin, mais je me suis rappelé cette scène de Cyrano qui va chez Raguenaud, le pâtissier, qui est un personnage très simple, très généreux, très attentionné. J'aime beaucoup ce personnage-là dans cette pièce-là. Et donc Cyrano va chez lui pour rencontrer Roxane et Ragno invite des poètes à manger chez lui et pendant qu'eux mangent, il leur récite une recette en vers qu'il a composée. Alors je vous lis un extrait de la scène 4 de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Je jouerai Ragno et Martin, tu joueras s'il te plaît donc Cyrano. Comment on fait les tartelettes Amandine ? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moule à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits. Puis que ces puits passent au four et Blondine sortant en gai troupelé, ce sont les tartelettes Amandine. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme ils s'empiffrent ? Je le vois, sans regarder de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double puisque je satisfais un doux faible que j'ai tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Donc c'est un extrait de Cyrano de Bergerac. Le festin, c'est sûr, c'est pour la célébration, c'est pour la joie, mais c'est aussi pour le souvenir. Et je vous invite à écouter le très beau texte et la très belle musique de cette chanson de Juliette. Vous allez voir, c'est magnifique. Ça s'appelle Le festin de Juliette et juste après, on retrouvera dans un instant donc Olivier Houdard pour notre volet littérature. Table sera mise quand vous arriverez, amis, amours, amants et autres associés. Vos noms seront gravés au dossier de vos chaises. Dans un silence inquiet, vous vous compterez 13. Cierges et candélabres jetteront leur feu sombre dans la salle à manger tendue d'étoffes et d'ombre, rien qui ne sera noir, noir d'ivoire ou d'asphalte, de liège, d'alizarine, de charbon, de basalte. L'invitation dira, minuit on vous attend, venez vêtus de noir, comme aux enterrements. Si vous portez des fleurs, que ce soit des violettes, soyez mes invités au festin de Juliette. Alors vous mangerez à votre fantaisie des pains de sarrasin, des olives de Turquie, des blinis de Midoff, des liqueurs requiem où le caviar repose sur son linceul de crème. Vous vous régalerez de trompettes des morts, de morilles plus bistres que la tête d'un mort, de sèches dans leur encre, de truffes en sarcophage, de gibier dans leur sauce aux couleurs de cirage. On servira des vins âpres de vieilles vignes, du chocolat amer, des mûres et des guignes, noirs dans les verres noirs et noirs dans les assiettes. C'est ainsi que sera le festin de Juliette. Lorsqu'après le café, les liqueurs, les londresses, vous vous demanderez, mais où est notre hôtesse? Quand vous m'appellerez, Juliette, amie divine, venez qu'on vous bénisse, sortez de vos cuisines. Comprendrez-vous enfin la noire mise en scène, apôtre malgré vous d'une lugubre scène. Vous m'avez tant aimé, il aurait été bête de ne pas vous convier au festin de Juliette. À l'éternel repos, dans le dernier repas, ma vie sera dissoute dans chacun de ses plats. Mon sang assombrira le ténébreux civet, épicé de remords et poivré de regrets. Chair et os sur la braise, le cœur en cassolette, se donner corps et âme à vos coups de fourchette. Oui, pour une gourmande, c'est une fin parfaite de sceller son destin au festin de Juliette. C'est une fin parfaite de sceller son destin au festin de Juliette. C'était le festin de Juliette de Juliette. Olivier Houdard, tu veux nous présenter Encore des nouilles, chronique culinaire de Pierre Desproges et illustrée par le dessinateur de Charlie Hebdo. Oui, absolument. Pierre Desproges, je pense que beaucoup de gens le connaissent, humoriste français qui est décédé dans les années 80. Et en fait, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu un recueil en fait, de textes qui ont été publiés dans la revue Cuisine et Vins de France. Donc ça a été compilé et regroupé dans ce livre avec en plus effectivement des illustrations de Wolinski, Rhys, Tinius. Et vraiment, les illustrations valent vraiment la peine. Et je dirais que c'est en voyant ces illustrations-là que ça donne un petit peu un ton au livre. Parce qu'au début, j'ai lu les textes et puis je n'ai pas regardé forcément les illustrations. Et quand on regarde les illustrations, ça donne un niveau de légèreté au texte. Parce que des proches, ça peut être un petit peu lourd à lire aujourd'hui, 30 ans plus tard. Mais disons que quand on voit les illustrations, les caricatures, on se rappelle en fait que c'est avant tout pour rigoler un bon coup. Là. On fait passer un message, mais il y a beaucoup d'humour avant tout là-dedans, quoi, de l'humour noir en l'occurrence. Oui, et bien c'est ça, j'allais justement en parler. Je pense que la dernière fois qu'on avait cité des proches ou on avait utilisé un texte de cet auteur-là, et bien c'était justement pour illustrer le thème de l'humour noir. De l'humour noir, exactement, oui. Donc, comme je dis, les illustrations sont très importantes dans ce livre et les textes ne se valent pas forcément tous, disons, mais je trouve que pour parler de la nourriture et puis en même temps, pendant le temps des fêtes, si on a envie de rigoler un petit peu et puis de faire des choses légères, tout ça, je trouve que c'est le bouquin idéal. Vous pouvez lire des livres de cuisine aussi, j'ai pensé à ça, à présenter un livre de cuisine, c'est un petit peu moins radiophonique, disons, mais il y a toujours de belles choses à lire aussi dans les livres de cuisine. D'accord. Donc, pour ce livre, je vais vous lire quelques textes, en fait. Oui. Donc, si vous êtes à table, ou si vous sortez de table, ou si vous allez à table, vous pouvez prendre des tranches de pain et puis récupérer la mie pour faire des boulettes ou les mettre dans les oreilles si vous êtes un petit peu choqué par les textes. Mais c'est vrai qu'on va... Y a merci de nous donner cette bonne vieille méthode de la mie de pain dans les oreilles. Ça peut être aussi la farce de la dinde, mais la mie de pain, c'est plus propre, on va dire. Ouais. Et les familles qui font des sandwichs avec des croûtes aussi. Oui, c'est ça. Mais disons que il y a du vocabulaire qui peut peut-être un petit peu tordre les oreilles aujourd'hui. Dans un des textes, on utilise le mot nègre, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise plus, ce mot-là. Oui. Mais néanmoins, je le lis parce que fait partie. Il y a du politiquement incorrect. Oui, c'est ça. Ça fait partie du texte, donc je vais quand même le lire. Et puis, il faut se replacer 30 ans plus tôt. Et puis, sur une scène, on veut faire rire du monde. Donc, c'est pas du tout avisé. Raciste ou peu importe. Donc le premier texte, en fait, c'est l'histoire d'un inventeur. Cet inventeur, il s'appelle Jonathan Paxembouille. Ok. Et donc voilà. Ce soir-là, au Sanglier Chafouin, le restaurant en vogue du gratin consulaire, Jonathan soupait en compagnie d'une camériste bonapartiste de gauche qu'il comptait culbuter au Pouce Café. C'était un gueuleton banal, hors d'œuvre varié, sanglier varié, fromage ou pain. Jonathan finissait son cochon sauvage à la gelée de myrtille quand le maître d'hôtel ex-hippie de la campagne d'Égypte, gorgé d'herbes dures et de calvas du Nil, laissa malencontreusement choir sa corbeille à pain sur la table, où Jonathan commençait à baiser des yeux sa camarade pour oublier la sauce qui se figeait déjà elle aussi. Une énorme tranche de pain vint s'enliser dans un grand floc au milieu de son assiette. Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Et s'emparant d'une tranche moelleuse, il la tendit à sa compagne, qui n'était autre que Marie Curie, créatrice de la sauce du même nom, et dit « Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain dans la sauce !» Jonathan Paxembouille, pardon, venait d'inventer le pain pour saucer. 25 ans plus tard, son fils Léon inventa le pain pour pousser, la mouillette, et le rat à la coque, mais je vous en dirai plus à Pâques. Donc voilà, c'est vraiment des textes en fait qui sont très simples, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire et des jeux de mots, des allusions qui sont assez légères. On peut les lire plusieurs fois pour réaliser ça en fait, quoi. Il y a d'autres textes encore que je vais vous lire. Il y a des recettes aussi qui sont plus ou moins choquantes. Donc je vais pas vous lire la plus choquante de toutes, tout de même, parce que c'est quand même les fêtes. Donc on va aller sur la recette du cheval Melba. Donc, ami des chevaux, utilisez la mie de pain, c'est maintenant. Pour bien réussir le cheval Melba, prenez un cheval. Un beau cheval. Le poil doit être lisse, c'est un signe de bonne santé. L'œil doit être vif, éveillé. On doit y sentir dans cet œil de cheval le regard indéfinissable, plein de tendresse débordante et de confiance éperdue dans l'homme, dont ces cons d'animaux ne se départent habituellement qu'aux portes des abattoirs. Donc prenez un cheval, comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Pendant qu'il cherche à enfouir son museau dans votre cou pour un câlin, foutez-y un gros coup de bourrin dans la gueule. Parce que n'oubliez pas que ce que vous mangez, ce sont avant tout des animaux qui étaient vivants avant d'être sur votre table aussi. Ça, c'est juste une parenthèse. Attention, sans le tuer complètement. Le cheval, c'est comme le homard ou le bébé phoque, il faut les cuire vivants pour le jus, c'est meilleur. Bon. Réservez les os et les intestins pour les enfants du tiers-monde. Débarrassez ensuite la volaille de ses poils, crinières, sabots et de tous les parasites qui y pullulent, poux, puces, jockeys, etc. Réservez les yeux, mettez-les de côté, vous les donnerez à bébé pour qu'il puisse jouer au tennis sans se blesser car l'œil de cheval est très doux. Préparez pendant ce temps votre courbouillon avec sel, poivre, thym, laurier, un oignon, clou de girofle, persil, pas de basilic, une carotte et un mérou qui vous indiquera en explosant la fin de la cuisson à feu vif. Comme pour la recette du chat grand veneur, quand le chat pète, le mérou boue et quand le chat boue, le mérou pète. Quand l'eau commence à frémir, le cheval aussi. Attention, s'il est rouge, c'est un homard. Si le cheval se sauve, faites-le revenir avec une échalote dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ou si c'est un cheval arabe, dans une demi-cuillerée d'huile arachide. Oh. Non, oui, mais c'était il y a 30 ans. Ouais. À l'aide d'un écumoir, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que vous avez vraiment mal ajusté votre coup de burin. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement et pan dans la gueule. À mi-cuisson, passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, passez au nègre. Éteignez la cuisson, mais ne sortez pas encore le cheval Melba de la casserole, laissez-le mariner là. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un Saint-Émilion léger, Corbin Michotte 78 par exemple. En tout cas, pas d'eau, jamais d'eau. Voilà. Donc c'est représentatif vraiment de l'ensemble des textes. Il y a des textes un petit peu plus historiques, il y a des textes un petit peu... Il y a un texte sur le Québec, je me suis dit que je ne vais pas lire, parce que C'est de la résistance. Voilà, il y a de la censure, il y a de la censure surtout. Donc, effectivement, c'est un livre qui est très léger, qui se lit très vite. Il doit y avoir à peu près une dizaine, une quinzaine de textes, avec chaque fois une illustration entre chacun de ces textes. Et c'est un livre qu'on trouve à la bibliothèque de la ville de Québec, comme beaucoup d'autres petits trésors comme ça qu'on oui, peut trouver accidentellement. C'est un réseau très fourni en excellentes œuvres, ouais, ce absolument, réseau des bibliothèques fait. De la ville ouais, de Québec. Ouais. J'ai un dernier petit texte, parce oui, que c'est sûr. Entre les recettes et entre les illustrations, ça lasse. Il y a des petits textes encore qui peuvent faire mal. Okay. Donc, je l'ai dit, et puis vous pourrez hurler à la maison si vous voulez. Pourquoi croyez-vous ? Mais en fait, dites-vous juste que quand on le disait il y a 30 ans, ça choquait, mais on pouvait le dire. Oui, quoi. Mais même, tu vois, l'autre texte dont tu nous as un peu prévenu, ouais. Nous a dit attention, il va y avoir même le monnaie et tout. Mais on comprend que toute l'absurdité, justement, ouais. Des fois, en plus, en plus, là, c'est pour rigoler un peu des termes aussi mm-hmm. utilisés en cuisine. Parler du chinois, alors qu'en plus, oui, voilà, c'est parce que c'est pointu et parce que ça ressemble à un chapeau chinois, toute cette espèce de généralité un peu stupide et un peu raciste, souvent. Là. Voilà, bon, ben, justement, ça vient souligner beaucoup plus cette absurdité-là que ça n'est raciste. Évidemment pas, hein. Pierre Desproges ne l'était pas du tout. Mais dans le fond, on parle. Je pense que vraiment... c'est assez clair et assez. Ouais. C'est très évident. En même temps, on n'aurait presque pas eu besoin de prévenir avant que tu le lises. Mais c'est vrai que la viande de cheval aussi, c'est très bon. Quoi. Merci. Donc, allez, dernier petit texte. Repréciser. C'est oui. vrai que c'est très bon. Pourquoi croyez-vous que les petits-enfants faméliques aux yeux fiévreux du tiers-monde qui s'étiolent et se fanent pendant que nous nous bafferons, pourquoi croyez-vous que ces enfants-là ont parfois le regard mauvais ? C'est parce qu'ils ne savent pas apprécier un bon cassoulet ou un bon vin. Voilà, c'était à peu près... Je fais finir mais, avec mais, ce texte. Mais c'est horrible. Ah, wow. Et en même temps, c'est ouais. très bon, ce genre de texte-là. Non, ça ouais. nous refait réfléchir à ces personnes-là qui n'ont pas accès oui, à tous ces plaisirs de la table auxquels nous, on va certainement quand même avoir accès. Et particulièrement pendant les... Mais souvent, on le regrette, de toute façon. On va se vautrer dans la nourriture. Et le lendemain, on va se dire, oh mon Dieu, c'était bien trop. Quoi. Oui, c'est vrai, mais on va se le dire, c'est bien trop, peut-être un peu plus parce qu'on aura mal au ventre que parce qu'on pensera à ces personnes qui... Ouais. Et en même temps, on ne peut pas s'obliger à y penser constamment, mais c'est important quand même d'y faire allusion fréquemment, et c'est quand même très pertinent et très bon, je pense, que Pierre Desproges en fasse souvent allusion quand même il fasse souvent allusion dans ce livre-là. Il paraît qu'il fait beaucoup aussi allusion à certaines recettes très simples de choses qu'il aime beaucoup, parce que c'était un ouais. amour de la vie, de la nourriture. Puis apparemment, j'avais lu un peu quelques ouais. extraits, puis il y avait des... Il y a des anecdotes aussi, effectivement, oui. où il se retrouve chez lui, puis il n'accède pas à sa cave à vin, et puis il a juste à manger une boîte de conserve ouais, froide. Mais et finalement, il en tire un plaisir énorme ouais, à manger un truc extrêmement simple, un plat de pauvre succulent. Quoi. Il a, ouais, je ne sais plus comment il appelle ça. Bah, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours l'émotion du moment, en fait, ouais. qui fait qu'on peut se manger une boîte de sardines avec un morceau de pain. Et ça sera la meilleure boîte de sardines du monde à un moment donné. Quoi. Ah oui, surtout. Ou alors quand c'est justement dans le cadre d'un peu d'un festin où on a parlé de partage la dernière fois, quand on partage de la nourriture. Oui. Et à ce moment-là, ben, ça a beau être quelque chose de très peu raffiné et de très peu abondant, ça devient quelque chose de tout à fait agréable à partager, très important à partager. Merci beaucoup Olivier pour cette chronique. Donc tu nous parlais, je le reprécise, du livre Encore des nouilles, chronique culinaire de Pierre Desproges, que vous pourrez trouver donc dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec. Merci beaucoup. On va retrouver dans un instant Martin Guimond qui nous parlera d'un film tout à fait particulier. J'ai hâte que tu nous en parles. Notre thème donc c'est le festin. Vous écoutez le Médialodon, notre spécial des fêtes sur CKRL 89.1, et on vous revient dans un instant pour parler d'un film japonais tout à fait savoureux. Vous écoutez le Médialodon sur CKRL 89.1. Martin Guimond, tu nous parles du film Tampopo, un film japonais de Yuzo Itami. Je prononce mieux finalement le nom peut-être du réalisateur que le nom de mon chroniqueur, bon, excusez-moi. C'est un film sorti en 1985. Donc pourquoi as-tu choisi ce film pour illustrer le thème, le festin ? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce film ? Tu t'es dit, ah ça va, c'est un film qui va vraiment bien illustrer le thème du festin. Oui, ben tantôt, justement, on parlait du festin, comment souvent c'était un peu l'opulence, il y a quelque chose de très, très grand là-dedans. Mais le festin, c'est aussi quelque chose, comme tu le disais tantôt dans la définition, de, qui est succulent au final. C'est quelque chose qui est très, très, qui est très bon. Mm-hmm. Et en fait, le film Tampopo, ça raconte l'histoire de Tampopo, donc, qui est le personnage principal, en fait, qui est une dame qui fait des ramen, donc les fameuses soupes ramen propres au japonais. Et en fait, elle, son but, c'est de faire les meilleurs ramen donc, au Japon, si on veut. Et donc, c'est ça. Vraiment, c'est dans tout justement la sélection de tous ces produits pour faire la qualité de la meilleure soupe ramen. Et donc, toute l'histoire est un peu à propos de ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment super intéressant dans ce film-là, c'est oui, l'histoire est plaisante, mais c'est comment la structure narrative de ce film-là est faite. En fait, c'est qu'on va suivre justement la protagoniste, mais on va voir l'histoire va être intercalée de plusieurs petits anecdotes, si on veut, des petits sketchs qui ont rapport tous justement avec la nourriture. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment tellement bien fait que, tu sais, justement, par exemple, dans le film, des fois, ils vont rencontrer un personnage qui nous semble pour nous anodin, mais la caméra va suivre ce personnage-là et finalement, on va aller voir une situation, un petit sketch qui va justement parler de la nourriture, mais qui n'a au final aucun lien avec l'histoire de la protagoniste qui veut avoir ses meilleurs ramen. Donc, c'est vraiment des petites anecdotes, mais qui, au final, vont donner une histoire qui se tient et un propos aussi qui est super intéressant sur la nourriture. Donc vraiment, sur la nourriture, et tu me disais un peu les mœurs associées à la nourriture et au repas et à la prise de nourriture, en fait, au fait de comment s'alimenter avec des gens en public. Tout à fait. Je me souviens que j'avais vu juste une scène, tu m'en avais montré juste une, hein, mais où ce sont des jeunes japonaises à qui l'on apprend à se nourrir à la mode occidentale. Ouais. Et donc, on leur dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas faire un slurp quand on mange ses nouilles. Et c'est vrai qu'au Japon, en fait, les gens aspirent leurs nouilles, font ces bruits de bouche-là et c'est pas du tout vu comme quelque chose d'inélégant. C'est comme ça qu'on les mange, ces nouilles-là. Et je trouvais ça, ce décalage, des fois, est quand même très intéressant. Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est plein de petits trucs, mais au final, qui donne quelque chose qui unit. Parce que ça peut sembler décousu, mais au final, c'est tellement... le résultat, et il y a un propos qui est très, très, très, très vrai. Et je trouve ça intéressant, tu parles de simplicité, et puis tu parlais de ramen. Moi, je sais pas pour vous, mais au départ, moi, les ramen, ça parle vraiment un plat basique, extrêmement simple, mais en fait, on peut faire des ramen de luxe, c'est oui, ça, en mais, fait? Oui, mais en fait, pas tellement, en fait, ben oui, c'est possible, mais le propos est vraiment rien que dans, justement, la, que ce soit c'est super des trucs bon. Simples, et c'est bon, c'est bien fait. Puis c'est ça. Juste question, la scène se passe, c'est dans une époque moderne? Oui, c'est tout à fait une époque moderne. Ben, le film se passe dans les années 80, grosso modo, fait que moderne, mais il y a quand même un petit décalage avec aujourd'hui. Évidemment. Donc, et puis, donc, ça ressemble quoi à une comédie de mœurs? Oui, c'est totalement, c'est vraiment le terme, je pense que tu mets le mot dessus, comédie de mœurs. Puis, tu sais, je peux donner justement des exemples des différentes scènes, outre que la grande scène de Tampopo. Par exemple, il y a une scène où est-ce que c'est une grand-mère un peu espiègle qui se promène dans une épicerie et elle qui aime écraser, par exemple, qui aime écraser le camembert ou tâter les fruits. Toucher, elle en aime fait. Toucher elle la nourriture. Les aliments. Et là, l'épicier, lui, est fâché puis il essaie de la poursuivre partout. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On voit aussi une des scènes, c'est des gens d'affaires, un peu, si on veut, prestigieux avec cravate, qui vont dans un restaurant français et ils veulent commander de la nourriture, mais eux, ils ne parlent pas français et ils veulent... Le menu est en français, puis ils font semblant de connaître ça. Et finalement, il y a le nouvel, si on veut, l'arriviste qui, lui, est capable de parler français et commande tous les trucs, finalement, qui sont prestigieux, que c'est important. Oui, c'est le petit nouveau, mais finalement, c'est ça. Mais lui, il connaît très bien tout le français. Monde. Puis il y a aussi une scène qui est un peu sur, justement, il y a un des personnages qui est d'ailleurs très drôle, qui est comme un peu vu comme le méchant, c'est l'homme qui est habillé en blanc avec un chapeau. Lui, c'est ça, il y a un côté d'érotisme avec la nourriture. À chaque fois qu'il rencontre des femmes, il y a quelque chose. Par exemple, il rencontre une femme qui pêche des huîtres et il mange la première huître avec cette femme-là. Il y a un côté très, très, justement, érotique, sensuel. C'est ça. C'est vraiment plein de petites scènes qui sont vraiment cocasse, c'est toujours drôle, puis ils ont toujours un propos. Et en plus de ça, justement, il y a quand même des personnages qui évoluent, mais ce qui marque, c'est pas tant l'histoire de Tampopo qui, finalement, comment réussit à avoir les meilleurs ramen, ou peut-être pas, je ne dis pas, pourquoi. Mais c'est vraiment, justement, tous les personnages qu'on rencontre, toutes les petites... La relation avec la nourriture. Et les gens, et les autres personnes. Exactement, c'est ça. Puis même, puis là, c'est vraiment pas un punch que je vous vole, mais par exemple, la fin, je trouve du film montre totalement ça. La dernière scène, enfin, où est-ce qu'on voit le générique, c'est tout simplement un gros plan sur une dame qui allait de son enfant. Et je trouve que justement, c'est le propos totalement de ça, c'est de la nourriture, le plaisir, et au final, c'est la vie. Oui. Puis ce film-là, moi, je le perçois vraiment comme quasiment un album photo, puis qu'on voit des photos, ah ben oui, ça, on se rappelle de ça, ça, ça. Ouais, et puis l'échange, le partage, puis c'est vrai qu'à la fin, ça, c'est quand même une belle image de partage, quand même, cette image d'allaitement. Je trouve ça intéressant aussi qu'il fasse autant de parallèles. Tu parlais de la vie, tu nous as donné une citation d'Épicure en disant que bon, la vie est un banquet pour parler de... Mais c'est vrai, de tous ces liens entre la nourriture et plein d'autres aspects de la vie, quand même, c'est le fait de goûter à plein de choses. Le verbe goûter s'utilise pour tellement de choses outre la nourriture. Tu sais, on peut goûter à plein de choses. Et je trouve ça intéressant aussi avec l'aspect sexuel, là, de voir aussi le corps comme l'échange entre deux personnes au niveau sexuel, de voir ça aussi comme un partage, presque comme un festin, d'une certaine façon. Moi, j'ai une question par rapport au ramen. Oui. Parce que j'en ai mangé des très bons récemment. Et puis, si on a une idée, ben, je pourrais leur transmettre. Mm-hmm. Parce que là, la trame narrative du film, un petit peu, tu disais que c'était pour faire le meilleur ramen possible. Est-ce que c'est quand même développé, cette idée-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit un petit peu de ramen? Totalement, c'est ça. Il y a des ingrédients un peu fous, il y a des choses comme ça, je sais pas. En fait, c'est vraiment justement, si on voit quasiment un peu tous les techniques, on voit au début, il y a comme un des personnages qui est comme le maître, qui lui connaît vraiment tout sur les ramen, qui se ramasse par des événements quelconques à se retrouver justement chez Tampopo et goûter le ramen. Et rien qu'en observant comment elle fait les ramen, lui, il analyse un peu à la Sherlock Holmes. Mm-hmm. Il dit pourquoi le ramen qui s'apprête à goûter ne sera pas bon. Oui, et ça lui donne raison. C'est humoristique. Puis, finalement, justement, la trame plus générale du film Tampopo, de sa recherche du ramen parfait, on voit elle va chez tout un peu les spécialistes des ramen voler un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme idée de meilleur? Fait qu'on voit le côté, justement, qu'est-ce qui fait qu'un ramen est bon. Et aussi, il y a une des scènes au début qui montre comment on doit manger un ramen selon la tradition japonaise. Donc, c'est quasiment éducatif. Ah, c'est éducatif, tout à fait. Oui, donc, c'est une plongée dans une culture que tu connaissais, toi, un petit peu, la culture japonaise et la nourriture, vraiment, au Japon. Ouais, je dirais pas que je suis un connaisseur de ça. Mais est-ce que ça te l'a fait découvrir d'une certaine façon? Est-ce que ça a éveillé ta curiosité? Oui, exactement, mais je pense que personne ne peut regarder ce film-là puis pas avoir envie de manger une soupe ramen après. Et de faire des ramen, puisque Martin, donc, tu es un grand spécialiste, de fabrication de ramen, je pense, dès la pâte elle-même, les nouilles aussi. C'est toi qui fais ça. Open house chez Martin pour tous nos auditeurs. Exactement, pour savourer de succulentes ramen. Merci beaucoup, Martin, pour toutes ces indications concernant ce film qui s'appelle donc Tampopo. Exactement, et d'ailleurs, je le rappelle. Je profite pour inviter les gens à... il est disponible sur YouTube. Ah, il est disponible sur YouTube. D'accord. Et, en fait, c'est sûr, c'est la version japonaise, mais qui est sous-titrée en français. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas le japonais, ils peuvent quand même le regarder. Exactement. Excellent. Un film japonais donc, de Juzo Itami qui était sorti en 1985. Merci pour cette chronique cinéma. Martin, on va se retrouver dans un instant avec Jérôme Brousseau pour la chronique philosophie. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un autre film. J'avoue que moi, quand on a présenté le festin, j'ai pensé à La Grande Bouffe de Marco Ferré. Vous allez me dire, tu as pensé à des choses assez sombres en pensant au festin, mais c'est vrai, j'ai pensé à des choses très joyeuses, mais aussi à ces choses sombres-là, parce que c'est un film quand même très, très spécial et très peu réjouissant pour bien des aspects. Mais la musique est absolument magnifique et je vous propose d'écouter cette musique-là, ce thème principal-là du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri. D'écouter le thème du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Jérôme Brousseau, tu as choisi de nous parler du traité de l'abstinence de Porphyre, traite du végétarisme, pour nous parler donc de notre thème, le festin. Pourquoi? Mais parce que je voulais pas avoir de fun ce soir. Merci. Ou ben aujourd'hui, en fait. C'est ce qu'on va voir, donc... Mais non, en réalité, donc, je me suis intéressé, bon, comme en début d'émission, je me suis intéressé au festin, mais du point de vue de l'abondance, puis aussi du profit qu'on tire des choses de la terre, mais à un point où, bon, on finit par en abuser. Et bon, l'idée du végétarisme en philosophie est très présente. Il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent. Je citerai là plus récemment Florence Burga qui a écrit un livre qui a paru tout récemment en 2017 intitulé « L'humanité carnivore » où elle reprend là plusieurs arguments contre finalement l'alimentation carnée. Et bon, ben, je me suis dit dans ma réflexion que, bon, le végétarisme, on en parle quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'adeptes sur la planète et même il y a des pays où il y a une forte part de la population qui est végétarienne. Enfin, je crois qu'il y a notamment en Inde, là, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens. Et donc, là-dedans, je voulais finalement montrer aussi à nos auditeurs que l'idée du végétarisme n'est pas nécessairement récente et que même des discussions et des débats autour de la valeur du végétarisme et aussi le côté délétère de l'alimentation carnée. Mmh. Donc, était déjà discuté et y avait beaucoup d'argumentations et de discussions autour de cette question-là dès l'Antiquité même. Et qu'est-ce qui se disait donc justement aspect délétère je me suis concentré sur le traité de l'abstinence de Porphyre. Porphyre lui est un philosophe né à Tyr qui est dans l'actuel Liban, un phénicien à l'époque, on appelait ça les phéniciens. Et donc Porphyre est né en 234 après Jésus-Christ. Et il est de l'école, qu'on va dire l'école néoplatonicienne. J'entrerai pas dans les détails de cette école, mais c'était, bon, dès l'âge d'environ 30 ans, il a migré vers l'Italie, à Rome notamment et en Sicile, où il a fait la connaissance et est devenu le disciple du philosophe Plotin, qui est plus connu, qui est très connu. Et on a d'ailleurs un spécialiste à l'Université Laval sur Plotin. Et donc, c'est un philosophe, lui aussi, de l'école néoplatonicienne. Et donc, Porphyre, lui, écrit son traité d'abstinence. On ne sait pas trop en quelle année il a écrit son traité, mais il était destiné pour un de ses amis et collègues de l'école plotinienne qui s'appelait Firmus Castricius, qui a supposément, donc, selon Porphyre, a abandonné le végétarisme pour s'adonner à l'alimentation carnée, qui est donc, Porphyre, écrit ce traité pour convaincre son ami de revenir vers le végétarisme. Donc, on doute que le végétarisme est une doctrine de l'école de Plotin, même si Plotin, le maître de Porphyre, était lui-même végétarien. Il y avait plusieurs végétariens dans le groupe. Et donc, Porphyre s'adonne dans son traité à... C'est un traité qui est écrit en trois grands tomes, quatre livres en tout. Les deux premiers livres concernent les arguments plus internes, disons, au végétarisme. Donc... Étant un bon néoplatonicien, Porphyre va dire, par exemple, que bon, l'âme appartient au monde intelligible, donc l'âme a quitté le monde intelligible pour entrer dans le monde mortel, on pourrait dire, le monde des choses mondaines. Et donc, une alimentation végétarienne, ou enfin l'abstinence en général, va contribuer à l'élévation et à la méditation qui permet à l'âme de revenir vers l'intelligible et le monde des idées, comme bon, le professeur Platon déjà dans l'Antiquité. Donc, il y a cette vision-là, déjà un peu mythologique ou religieuse, là, croyance finalement que l'âme a besoin d'une légèreté du corps pour être plus à même de voguer vers les choses, l'intellect, les choses intelligibles, l'immortalité et une certaine idée de Dieu, par exemple. Et l'alimentation carnée ne pourrait pas donner cette légèreté-là. C'est impossible. Voilà, donc c'est okay. Finalement, les deux premiers livres donc, concernent les arguments internes et qui sont pas nécessairement, qui ne se limitent pas au végétarisme et plutôt à l'abstinence en général. Donc on pourrait dire que d'accord. C'est pas nécessaire d'être végétarien pour arriver à une forme d'élévation, mais c'est certain que les viandes sont considérées comme des aliments lourds et abondants et aussi riches, donc qui empêchent et qui alourdissent le corps et au fond qui empêchent de s'élever. Donc, dans le fond, c'est assez simple. C'est rare qu'on est prêt aussi, on est porté à... En tout cas, pour ma part, c'est rare que je suis porté à réfléchir et à méditer après être sorti du Saint-Hubert, par exemple. Donc voilà, tu sais, c'est un peu l'idée... Tu parles d'une chair tout à fait grasse aussi. Oui, c'est ça. Donc, après une table d'hôte et tout ça, là, ben, tu sais, évidemment, on est moins porté à l'élévation de l'âme, là. Tu sais, on est plutôt porté à s'ensommeiller et tout ça. Puis, mais Porphyre et l'Antiquité, il avait déjà fait ces observations-là. Il y avait déjà beaucoup d'idées, beaucoup de textes sur les diètes, sur comment s'alimenter pour certaines formes d'exercice, là. Et les deux derniers livres, le livre 3 et 4, portent davantage sur des arguments externes. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une réflexion sur la nécessité du sacrifice animal, sur est-ce que les animaux sont dotés de raison, est-ce qu'ils appartiennent au comme les Grecs disaient, au logos, c'est-à-dire l'univers langagier. Mm-hmm. Et Porphyre s'en prend notamment, je me concentrerai finalement à un seul argument, un contre-argument, où il contre-argumentait l'idée venant de plusieurs stoïciens, l'école stoïcienne de l'époque, de l'Antiquité, où on disait finalement que seul l'être humain appartenait au Logos, à part les dieux, évidemment. Oui. Et donc, seul l'être humain était digne du Logos. Et aussi que donc les animaux étaient là pour satisfaire leur chemin vers le bonheur, dans le fond. Là, que les animaux n'étaient pas donc doués de raison et donc ne pouvaient pas non plus bénéficier d'un concept de justice. Parce que bon, pour les stoïciens, la justice ne répond qu'au logos. Et donc, Porphyre va s'en prendre à cet argument-là en disant « Attendez, les stoïciens, là, il y a des animaux qui sont dotés de raison et qui sont aussi capables d'un langage. » Et donc, il va déterminer deux formes de langage chez les animaux, là, la pensée et la parole professée. Et il va donc, par exemple, il va dire « ben on observe des oiseaux ou des certains animaux entre eux faire preuve de sociabilité. Mm-hmm. Certains cris vont être liés à certaines formes d'avertissement ou certaines formes de messages. Et donc, en cela, ben, les animaux sont capables d'une certaine forme de langage. Aussi, bon, une petite... petite précision ici. Il fait aussi la distinction. Donc, les stoïciens semblaient dire que les animaux n'appartenaient pas à la même essence que les hommes. Oui, donc, les hommes sont dotés de langage, de raison. Les animaux ne le sont pas. Porphyre va plutôt adopter une vision donc de degré, c'est-à-dire les animaux sont de même essence que les hommes, mais sont dotés d'une moins grande pureté, d'une moins grande perfection dans le langage. Oui, okay. Mais au fond, je suis bien d'accord qu'effectivement, ils ne vont pas converser comme les hommes sont capables de converser entre eux, mais il y a quand même une forme de langage entre eux, donc on peut les admettre dans le logos. C'est ça. Donc, ils peuvent être sujets de justice, donc. D'accord. Et on leur doit justice à ces animaux-là. Et bon, il va notamment aussi dire que il y a plusieurs animaux. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient reliés à des divinités. Les oiseaux, notamment, étaient reconnus dans l'Antiquité comme étant les êtres les plus proches des dieux, en fait, qui parlaient le langage des dieux. Mmh. Et donc, qui étaient dignes d'une... En fait, qui étaient même meilleurs que les hommes dans certaines parts, certaines formes de langage, et qui donc, pour cette raison-là, méritaient notre respect, puis aussi notre considération et une forme de justice. Et donc, finalement, c'est toute l'idée qui revient encore, je dirais, aujourd'hui dans la question du végétarisme. Mm-hmm. Eh bien, un des principaux arguments, c'est... en lien avec la souffrance animale, puis leur capacité à ressentir, à faire preuve aussi d'une conscience. Et donc, pour cette raison-là, sont en droit d'avoir notre reconnaissance. Puis donc, on devrait, pour cette raison-là aussi, interdire le sacrifice animal en vue de les manger. Donc. C'est étonnant quand tu as parlé donc de respect quand même des animaux. Moi, j'ai pensé à une scène d'un film qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la tête, où il chasse un moment un animal, et une fois qu'il l'a chassé, il s'assoit près de lui et il le flatte un peu, puis il le remercie de mourir parce qu'il lui dit bah, tu vas pouvoir nourrir ma famille et je te remercie pour ça. Il y a quelque chose, il y a une belle relation, oui, il y a une relation, il y a un meurtre qui est commis d'une certaine façon, il y a quelque chose de violent, mais c'est quand même fait d'une certaine façon dans le respect. Je trouve ça intéressant de voir que même donc, alors que le respect peut être très très important pour d'autres sociétés, elle ne vient pas être rédhibitoire au fait de pouvoir quand même se nourrir de choses qu'on respecte d'une certaine façon. En même temps, mais c'est intéressant que tu le mentionnes, mais l'idée du sacrifice et de la chasse ou le fait de tuer un animal, même dans la notion de sacrifice, pour les dieux, par exemple, et ça, c'est Florence Burga qui en parle notamment dans son livre tout récent, L'humanité carnivore, où elle dit c'est tellement une institution, l'alimentation carnée, c'est tellement une institution qui a besoin d'un langage, puis d'un vocabulaire, puis de rituels aussi pour donner cette impression de légitimité. Puis que finalement je sacrifie l'animal pour quelque chose de noble ou pour une nécessité. Et donc, il y a ça aussi, elle s'attaque justement à ce genre d'argument-là. Comme si c'était nécessaire alors que donc, ça l'est voilà, pas forcément. Donc ça l'est pas forcément. Mm-hmm. Mais donc, c'est une question vraiment intéressante. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on pourrait voir aussi dans certains, je sais pas, mais je sais que tu es très intéressé par les peuples du Nord, Olivier. Et je sais que j'imagine que s'il y a autant de personnes par exemple, dans les communautés inuits dont la chasse et la pêche sont au centre de leur tradition, c'est aussi parce qu'au niveau des végétaux qu'on trouve là-bas, là, il y en a beaucoup moins. Quoi. Là, c'est plus indispensable. Les principaux tenants, les gens qui défendent le végétarisme ne vont pas en arriver à dire les Inuits. Tout à fait. Bon, évidemment, il y a une conscience. Mais de revoir la nécessité, puis de se dire devant l'abondance, justement, et notre capacité. À profiter du fruit des légumes du fruit et du légume mais donc on doit justement remettre en question ce genre de pratique là voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette chronique sur le traité de l'abstinence de Porphyre. Donc, il traitait un peu du végétarisme et des raisons que Porphyre trouve à aller, à se diriger vers un mode plutôt végétarien, mode d'alimentation végétarien. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était notre émission ce soir donc sur le festin. On vous souhaite de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos commentaires à lemedialodon@gmail.com ou sur notre page Facebook. C'était Camille Proust. Merci à Martin Guimond, à Olivier Houdard et à Jérôme Brousseau. Très bonne fête à vous tous. Et pour terminer, je vous fais écouter une musique de Johann Hermann Schein. C'est de la musique de table, figurez-vous. J'ai trouvé ça dans mes recherches, la Tafelmusik. Et c'est dit comme étant une musique très, très légère, une musique de banquet, en fait. Et ça s'utilisait beaucoup au 16e et 17e siècle. Il y avait vraiment beaucoup de compositeurs qui aimaient à essayer de composer, enfin qui composaient, je ne sais pas s'ils aimaient particulièrement ça, mais ils composaient de la musique donc de table. C'est avec des instruments qu'on a très peu souvent l'occasion d'écouter, du cornet à bouquin, de la dulciane, de la guitare, de la guimbarde. Je vous laisse écouter ça et je vous souhaite de très bonnes fêtes.